revers de ses lieutenants, c'est danger. Dans le cours de toutes les guerres civiles, César n'éprouva de revers que par le fait de ses lieutenants. Sécurion, l'un d'eux, périt en Afrique. Un autre, c'est Antoine, tomba au pouvoir de ses adversaires en Illyrie. Piedolabella, il laissa aussi sa flotte, et Sien Domitius Calvinus perdit son armée dans le pont. Lui-même obtint toujours de brillants succès, et ne fut en danger que deux fois. L'une à Dyrrachium, où repoussé par Pompée, qui ne songea pas à le poursuivre, il dit que cet adversaire ne savait pas vaincre. L'autre au dernier combat livré en Espagne, et où ses affaires parurent si désespérées qu'il songea même à se donner la mort.